Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 50. De la mort du Christ. Pourquoi il a fallu que le Christ mourût? La divinité n'a pas été séparée de son corps, ni à plus forte raison de son âme. A-t-il été homme pendant les 3 jours de sa mort? Comment sa mort a été la cause de notre salut? 1. Convenait-il que le Christ mourût? On connaît les paroles de Caïphe, qui, au témoignage même de l'évangéliste, était prophétique, « Il vous est avantageux qu'un homme meure pour le peuple, et non pas que la nation entière périsse. » Il convenait que le Christ mourût, d'abord, afin de satisfaire pour le genre humain, condamné à la mort à cause du péché, ensuite, pour montrer qu'il avait réellement pris la nature humaine, ce qu'il n'eût pas fait s'il avait disparu comme un fantôme. Troisièmement, pour nous affranchir de la crainte de la mort, en quatrième lieu, pour nous engager à mourir spirituellement au péché et à ne vivre plus que pour Dieu. Selon cette parole, il est mort une fois pour le péché, et maintenant il vit pour Dieu. Romains 6, 10. Cinquièmement, enfin, pour nous prouver, par sa résurrection, sa puissance sur la mort, et nous donner ainsi l'espoir de notre résurrection future. C'est ce dernier motif qui faisait dire au même apôtre, si l'on prêche que le Christ est ressuscité d'entre les morts, comment se trouve-t-il parmi vous des hommes qui disent qu'il n'y a point de résurrection? 1 Corinthiens 15, 12. 2. La divinité, pendant la mort du Christ, a-t-elle été séparée de la chair? Le symbole professe que le Christ a été enseveli, chose particulière à son corps. La divinité ne s'est donc pas séparée du corps du Christ pendant sa mort. Si la grâce de l'adoption, qui sanctifie les créatures, ne se perd que par le péché, à plus forte raison il en a été de même de celle de l'union de la divinité avec la chair dans la personne du Christ, et, comme il n'y a pas eu de péché en lui, l'union de la divinité avec son corps ne fut jamais détruite. Note. Le Verbe, il est vrai, s'est uni à la chair par l'intermédiaire de l'âme, mais c'est en tant que la chair appartenait par l'âme à la nature humaine qu'il voulait prendre, et non point dans le sens que l'âme fût un milieu qui le liait à la chair. Notre corps, séparé de notre âme qui l'anime, en tient encore la propriété d'appartenir à la nature humaine, aussi conserve-t-il, même dans la mort, le sceau dont Dieu l'a marqué pour la résurrection. C'est ainsi que la mort ne détruisit pas dans le Christ l'union de la divinité avec la chair. Fin de la note. 3. La divinité, pendant la mort du Christ, a-t-elle été séparée de l'âme? Si le Verbe de Dieu n'a pas abandonné son corps pendant la mort, il s'est encore moins séparé de son âme, à laquelle il était uni plus immédiatement. Aussi, de même que, dans cette parole du symbole, il a été enseveli, nous affirmons du Fils de Dieu même ce qui a été particulier à son corps séparé de son âme, de même, dans cet autre, il est descendu aux enfers, nous affirmons ce qui est particulier à son âme séparé de son corps. Note. La mort a séparé l'âme du corps, mais elle n'a séparé du Verbe ni l'âme ni le corps. La chair, qui avait quitté l'âme, s'y est unie de nouveau par la vertu du Verbe, qui habitait en elle. Saint Jean Damascène résumait ainsi ces diverses questions, le Christ est véritablement mort comme homme, et sa sainte âme a été séparée de son corps très pur, mais la divinité est toujours restée inséparablement unie à son âme et à son corps. Fin de la note. 4. Le Christ a-t-il été homme pendant les 3 jours de sa mort? Soutenir que le Christ a été homme pendant les 3 jours de sa mort, ce serait contraire à la foi, car il mourut véritablement. Mais on peut très bien dire qu'il a été un homme mort. 5. Le corps du Christ a-t-il été le même dans la vie et dans la mort? Le corps du Christ a été numériquement le même dans la vie et dans la mort, par la raison qu'il n'a jamais eu d'autre suppôt que le Verbe divin. Mais, comme la vie est une partie intégrante du corps humain et qu'un corps dont elle s'est retirée n'est plus entièrement le même, on ne saurait affirmer que celui du Christ a été totalement le même dans la vie et dans la mort, sans nier implicitement la mort qu'il a subie. 6. La mort du Christ a-t-elle opéré quelque chose pour notre salut? La mort du Christ peut être envisagée à un double point de vue, comme étant en voie de s'accomplir, elle a été la cause méritoire de notre salut, ainsi qu'il a été dit au sujet de la passion. Comme accomplie réellement par la séparation de l'âme et du corps, elle en a été la cause efficiente, parce que tout ce dont la chair a été l'objet, même après sa séparation de l'âme, nous a été salutaire à raison de la divinité qui lui était unie. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.